soir religieux de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Casbeck. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Soir religieux. Le déclin du soleil étend, jusque lointain, son silence et sa paix, comme un pâle cilice. Les choses sont d'aspect méticuleux et lisse, et se détaillent clair sur des fonds byzantins. L'averse a sabré l'air de ses lames de grêle, et voici que le ciel luit comme un parvis bleu, et que c'est l'heure où meurt à l'Occident le feu, où l'argent de la nuit à l'or du jour se mêle. À l'horizon, plus rien ne passe, si ce n'est une allée infinie et géante de chênes, se prolongeant en loin jusqu'aux fermes prochaines, le long des champs en friche et des coins de genêts. Ces arbres vont, ainsi des moines mortuaires qui s'en iraient, le cœur assombri par les soirs. Comme jadis partaient les longs pénitents noirs pèlerinés là-bas vers d'anciens sanctuaires. Et la route d'un mont, toute large s'ouvrant sur le couchant rougi comme un plan de pivoine, à voir ces arbres nus, à voir passer ces moines, on dirait qu'ils s'en vont ce soir en double rang vers leur Dieu, dont l'azur d'étoiles sans s'immense, et les astres brillant là-haut sur leur chemin, semblent les feux de grands cierges tenus en main, dont on n'aperçoit pas monter la tige immense. Fin de soir religieux.